On pas volé, on pas tué pour moun. En sept ans pas fait pour mounaïe. Les yu kamagadi mouen. Ça cachiré qu'est en mouen. On pas volé, on pas tué pour moun. En sept ans pas fait pour mounaïe. Les yu kamagadi mouen. Ça cachiré qu'est en mouen. Sans amis, on comprend tes besoins.